la base, on n'avait pas nos places. Non. Il a fallu qu'on charge, il a fallu qu'on shoot pour leur laisser nos traces. Boum. Et tu sais qu'à la base, on n'avait pas la place. Il a fallu qu'on charge pour leur laisser nos traces. Toute la nuit on fait du sale. Regarde mes fringues, j'ai trop bossé. J'oublie pas ce qu'ils m'ont fait. Ça m'a rendu mauvais. Toute la nuit je fais du sale. Avec eux je peux plus négocier. J'oublie pas ce qu'ils m'ont fait. Ça m'a rendu mauvais. Et quand j'envoie des pompons, ça m'a fait. Avec ça c'est bon, c'est mauvais. Le 3-5 c'est clé, fait danser. C'est moi je récupère les dossiers. En une quiche je me suis refait. C'est peut-être ce qui m'a rendu mauvais. Ça peut bander. AMG 6.3 pour bombarder. Sur les 11.43, ça peut bander. AMG 6.3 pour bombarder. J'ai pris la baraque sur la côte. Avec la petite sans la dot. J'avais la popo sur mes côtes. Et puis des bobos pour la côte. Mais pour le V, j'me levais tout. Tu veux les pécho. Puis j'aurais un bon sans faire chauffer. Mon pelé quecho. J'ai des gros mythos qui parlent des trucs qu'ils n'ont pas. On va tourner le dos. Le signe des tapas. J'annonce les tarots sur le marché, j'attends pas. J'ai sans le roi d'Amérique. Chargez que c'est tout ce qu'il faut. Je n'ai pas acheté tout ce qu'il fait. On rentre ta bouée dans la barre. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, faut ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirez pas en plus pour les frérots. T'es rentré à pas streamer quand on sera tête. Quand on sera tête. On rentre ta boulet dans la barre, ah ouais. On prend tout ce qu'il y a de valeur. Comme les condés, on casse ta porte. Fils de pute, je veux ressentir la peur. 5 euros en plus pour les frérots. Habs, tirez pas en plus pour les frérots. T'es votre pas streamer quand on sera tête. Quand on sera tête. Le couteau fait la taille de Isaac qui fait la taille de marge. Si les deux sorties, je te démarre. Je laisse un paquet de feuilles à chaque transaction. Ça me remercie pour la démarche. Je rentre dans la tête comme un chat. Je guette la victime, je la chope. Son téléphone part dans la journée. Donc ce soir, je vais faire des achats. Mon son, plus la rue, elle a drogue. Et mes ventes, on dirait la porte. C'est moi qui la tue. C'est ta pute. C'est moi qui la tue pendant qu'elle a fait la morte. Maintenant, je sais pas où t'étais, what. Quand ça vendait la coke, la wax. Ça peut plus l'opomba, j'ai what. Les gars, fais pas ma porte. Je te dis de ramener mon argent. Cette fois, je te dis de ramener mes sous. La prochaine fois que mes gars descendent, préviens tes proches, y'aura des décès. Je suis venu, j'ai vu, je suis venu, j'ai pris, je suis venu, j'ai tout mangé, même le dessert. On arrive dans leur PC désert. Je crois ça, je vais faire pleurer sa sœur. T'as ramené le mili, t'as ramené la guille, t'as ramené le kill. Bien vu, on avait la zipette, on avait le boudoum dans la Clio 2. Ils ont rien vu, on avait la MD dans la Mercedes, ils ont rien vu non plus. Laisse nous faire, laisse la guerre, c'est pas ton truc. C'est le K, c'est le Z, dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent, ils arrivent pas sur la cadence. Comment tu me déçois de la daronne? La vérité est dure à entendre. J'ai vu des proches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. C'est le K, c'est le Z, dans tes oreilles, avalanche de violence. Ça fait même pas un an qu'ils me connaissent, ils arrivent pas sur la cadence. Comment tu me déçois de la daronne? La vérité est dure à entendre. J'ai vu des proches dans des tombes, donc c'est pas tes filles qui vont m'attendre. J'ai vite de prendre la plantation. Va au bout ton truc qui te passionne. Et surtout fais gaffe les fréquentations. Loin de moi tous les parasites. Ils veulent me voir tomber, j'ai le parachute. Si j'ai faudé au moins je me rachète. Tant que tu mens et tu dis high check. T'as pisté le potentiel. Entrée d'autoroute mais les voir dans le ciel. Je fais de la musique, j'aurais pu être dans le salle. Mais quand tu es dans le salle, tu te ressouves seul. J'ai mon amour, non je suis pas célib. Toute la journée j'ai cassé lit. J'ai pisté toute la série. Ça cache des armes même dans la prairie. Crée mon style, je suis pas les quinries. Mais moi l'instru, j'ai besoin qu'un round. Tellement pas reposé au studio. Quand je dis pas normal en bas. Sérieux, j'ai des propositions, fallait pas serrer. N'a mis un bon, un vrai, c'est rare. Des fois se retrouver seul, c'est mieux. Je crois que DJ, pas de manager. Je suis avec un, j'ai mes deux backers. Je casse la mentale pour les miens. Mais avec les têtes, maintenant j'ai pas de cœur. Je me dépasse comme le transporteur. Ils veulent voir ma vie, les reporters. Tu veux des tours, mais tu fais rien. Gang, faut du cardio pour nous suivre. Vie de voyou, vie d'artiste, mauvais train de vie. Qui nique leur mère, ceux qui nous en veulent. Ils veulent nous vivre, nous ressembler. Mais faut du cardio pour nous suivre. Gang, pour le cash, faut des couilles, faut du cardio. Et parfois faut se ganter comme le gardien de but. Pour les traits, y'a le chrome sur les abdos. Une occasion, la glisse comme Ben c'est but. Le but, je le loupe pas. Je suis pressé, pas pressé, la cahier, j'aime trop ça. Ça t'amende comme poc. Je suis pressé d'encaisser les retards, j'aime pas ça. Je regrette pas ma vie d'avant, je crois que je suis quelqu'un maintenant. Y'a les prières de maman, j'ai pas peur de l'œil des gens. Je peux, je rêvais d'avoir le jeu futur baronnie. Mais j'ai fini comme un sauvage, Amboula. J'ai vendu mes vocaux à Sony, laissez le rap à l'agonie. M.I.G. Moula, tu sais bien que je suis réel. Classique comme TN, ça ment pas, ça peut pas tromper comme l'ADN. On te manque de respect comme la PM. Rajoute un W après le PM. W sur la plaque, monogramme sur le sac. Pour vider les boutiques, j'attends pas le 5. Jamais, eux c'est jaloux, se passe plus le salam. Pour la daronne, j'ai fait ce qu'il fallait, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Dis-moi, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, hein? Pousse-toi, je connais la route. Je connais la route, je connais le chemin. On te refait le portrait, c'est ça le mood. C'est ça le mood, on t'oubliera demain. Cash, Rolex, faut du cardio, du bénéfice. Un nouveau joujou pour que je les aide. Négligé, pourtant, je reste sûr de moi. Le force est violent quand nos belles adorent. Faut du cardio pour nous suivre. Vie de voyou, vie d'artiste, mauvais train de vie. Qui n'est que leur mère, ceux qui nous en veulent. Ils veulent une vie nous ressembler. Il faut du cardio pour nous suivre. Les sont tous en talk. Ici nous obsolètes. Comme aux US sur les smokes. Y'a que quand son cas vu push que je perds contrôle. Ok, vous perdez la vie pour des follow. Là, tous mes démons sont de mèche. PSP ne suit jamais nos lèches. Avec des si on refait le monde. Avec un tel j'ai refait ma poche. J'allume la merde de celui qui s'approche. J'ai pas mon chlasse, il mangera des pêches. Je me fais ses cours dans le 6 après une transac à Saint-Placide. J'écoute l'ancien donner des conseils. Je la règle sur lui, il est mal placé. Il reste du sang sur mes TN. J'appelle du Pakistan sous VPN. Je les regarde bander sur ma personne. Il me regarde mon ils sont remplis de N, K-E-R-C-H, A-K, Gazo Favé, Yassi Pestre, le cul de ta meuf, JG Char comme son t'as vu. Elle me paie pour moi, je la lèche. Je suis en poids lourd, t'es tout lèche. Ils sont tous morts, everything dead. Son boutique chèque, bouge grave. On va aller roster, c'est pas grave. C'est des faits que n'est que pas des braves. Ils vont nous donner si ça se trouve. Tu vas morfler si je te touche. Je te transforme en passoire quand je te trouve. Force, force au frère, retrouve. On retrouve ton cadavre dans un trou. Je suis au fond de sa poussi, poussi, poussi, poussi. Je fais de la natation, je distribue les sanctions. À chaque traction, tu ressens la violence dans mes cités. Recette, recette, 93, j'ai la recette. Je prends le bloquet, je prends le vrai. Ce soir pas de dodo, je suis sur elle en gainage comme un commando. J'ai mon toto, toi tu parles de mon dos. Millions d'euros, j'ai fait le tour del mundo. Dès que je vois une faille, je rentre comme une goutte d'eau. J'étais dans la cabine avec un couteau. Je tire et je parle pas, le prof c'est tout co. Sous gilet par balle, les poutos sous coke. Snap en différé, je pense à Pop Smoke. J'ai ça dans le sang, je roule une fusée, j'ai les codes de lancement. Je leur fais du mal et j'arrache leur pansement. Je suis trop carbo, je vais crier ton classement. On n'est pas des enfants, sors ton brolic au lieu de parler dans le vent. On n'est pas des enfants, sors ton brolic au lieu de parler dans le vent. Tu veux sauver qui? Y'a que des folles et des fous. Il a porté notre croix alors qu'on voit pas un clou. J'mets l'ombre frontale sinon j'y vois flou. Si elle se rase pas, comment je vais trouver le trou? Toujours debout, debout. Des bruits de métal, c'est que ça va chez vous. Des bruits de moniteur, ça va pas chez vous. Réfléchis bien, y'aura 40 ailleurs. Ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs. J'suis revenu vainqueur à chaque fois. Pareil qu'on pensait que ça m'attire ailleurs. Ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs. Où l'on passe, ne repose pas. C'est signé. C'est signé, c'est signé, c'est signé, c'est signé, c'est signé, c'est signé. Tire pas sans gants, pas vu, pas prêt. Baisse les avant, ce qu'on m'a appris. J'te laisse ma place au paradis. Moi j'reste ici, une vie me suffit. J'sais pas tomber, j'peux pas me planter. Drapeau levé, je vais pas rentrer. Dois chanter, y'a de parenté. Onga, onga, c'est pour de vrai. Beaucoup de bourriers, souvent risqués. Ces gens vont pas, y'a pas de combat. Tous ces équipés, mes coéquipiers. N'en reviendra pas, c'est dans le contrat. Pas récompensé comme un t- Baby dans maquillé, que je vais couper ma dos toute la journée. Suisse dans le barillé. Oh, oh, oh, oh. Elle veut des mots doux, mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du blé. Des billets violets. Oh, oh, oh, oh. Ça met hop sous les flics, parle pas. La peine, la haine part pas. Je n'ai pas ce que je touche chaque mois. Je n'ai pas peur, viens choque-moi. Je n'ai pas peur, viens choque-moi. No pain, no gain, j'augmente le poids. Baby coupe cette dope, choque-moi. Baby prend ça par chaque mois. Il parle pas, il prend la caisse au smioto. Il revient de loin, pensait pas brasser autant. Babe s'endort comme ça, elle coupe la pute dans le salon. Elle rêve qu'on quitte le sac, tire dans mon joint, pas le ballon. faut faire les choses carrées, mais les bleus font tourner. Quitter la scène de crime avant qu'il passe la craie. Faire les choses plus larges, mais y'a pas de concret. Je parle de projet, mais tu me rayonnais. Baby dans ma quille, je fais couper ma dos toute la journée. Suis dans Paris, yeah. Elle veut des mots doux, mais faut qu'elle s'attache à la rue pour faire du bien. Des billets violets. Je te dirai quand c'est terminé, quand c'est terminé, quand on rentre. Retire le siège bébé, je suis enfouraillé dans le ranch. Vu qu'ils disent ce sont pas des notes, on va pas régler tous leurs problèmes. Fais ta révolution, on est des enfants. D'un coup, je veux plus recevoir. On m'a dit que l'amour, c'est la mort du devoir. J'ai des frères au ciel que je veux plus revoir. Si je lui donne d'un coup, je veux plus recevoir. Quitte mon gazon, on y va ensemble. Quitte mon gazon, on y va ensemble. On parle pas en gris, on les met ensemble. Faut qu'on laisse tout le monde ensemble. Beaucoup ont vu leur vie se décimer. Ont vu leur vie se décimer. Mauvais donc mon cœur est pourri, ouais, mon cœur est déchiré. C'est la peur. Bah dis-moi, nous on est quoi? C'est que j'ai vendu la peur. D'abord j'ai pas eu le choix. Je les ai vus gratter le mur. Est-ce que tu les crois? Je les vois parler de eux. Mais dis-moi si tu les vois. Hey, d'ici eux, c'est la hure. Mais nous on est quoi? J'ai vendu la pub, j'ai pas eu le choix. Je les ai vu gratter le mur. Hey, hey, est-ce que tu les crois? Faut que parler de hure. Est-ce que tu les vois? Tu payes, tu chantes, tu suces, tu rentres, la culture te remercie. La mala est gang, le négro aussi. J'ai vendu la mort, j'en ai fait un V. J'suis féministe comme lui, réa, ça m'empêche pas de te traiter de pute. Le cœur en kevlar, j'parle pas au stup. J'remplace prénom et nom par ch. Si eux c'est la hure, nous on est quoi? Le bruit et l'odeur du canon scié, gros, ces rappeurs font que du ciné, font des longs albums juste pour streamer. Discret, précieux, sévère, j'suis le cylindre au bout du Uzi. Cette année le thème c'est le vénère. La toute austère va manger Gucci. Est-ce qu'on est gros malonné? Esquimau, Miskina, ce que j'lui mets à la selle dans son minou. Ice en cœur de ice. Esquimau, Miskina, ce que j'lui mets à la selle dans son minou. Elle mousse en souffre, je cours avec le plaid. Le choc à la kitchen, pourtant j'ai un bed. Ah, ma neige, j'ai des diamants du bled. À part mon glizzy, y'a personne qui m'aime. À part mon glizzy, y'a personne qui m'aime. J'ai dans le visage une couleur ébène. Encore un nègre, pourquoi mon nègre? Pourquoi mon pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi? Je ne fais que dans le désespoir. Amoroso, amoroso, oh, la vie est noire. Zola aurait pas de Emile. Mais qu'est-ce de pute rempli de cocaïne? J'en ai cartonné, le con est parfumé. Pour plus de marques Adolf et Staline. Dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle vomisse. Dans sa chatte jusqu'à l'agonie. Je la démarre, je la termine. Je la démarre, je l'extermine. Doucement faudrait pas que je m'incrimine. Beaucoup de boucan, beaucoup de querelles. Ces faux rappeurs n'ont plus de flow. Donc ils investissent dans la gestuelle. Nègre ficha dans le nègre ficha dans la drogue. C'est ce qu'ils attendent de mon pied de main. Le bon SB, j'investis dans le gym. Mon la blanche dans les marines. Triste de vie et sombre enfance. Ta mère la pute, ouais, tu perds le passe-couche pour épargner ton existence. Niquer des remèdes, parler en verlan. Elle a mis le vernis, mais je l'ai pas guélant. Uru jaune au McDo de guérisse. Tout est noir après l'enterrement. Uru jaune au McDo de guérisse. Tout est noir après l'enterrement. Ils veulent mon buzz. Ma meuf m'a pas, plus je grandis, plus je suis comme mon père. Plus je grandis, plus je suis comme mon père. Mes ego m'ont dit Ondaga. Un peu trop de couilles, un peu trop de flair. Un peu trop de four, j'ai peur de l'enfer. Du doré, un peu de ténernère. J'ai laissé tout se cacher Hermès. Besoin de personne pour dégainer. On est précis, on te fait Nares. Libéraux comme Makelele. La belle aprem, le soir la cesse. La belle aprem, le soir la cesse. 9 millimètres en plus, j'ai vu les queues se mettre à genoux balèzes. La route est semée d'embûches, putain de merde, on sait que détailler. On sait que détailler quand ça pue. Toi poteau, c'est pas la rue. Arrête les blagues, ça va te gifler. On tire sur eux. On tire sur eux et on voyage avec des papiers falsifiés. Un YZ, un ensemble nuit. C'est magnifique dehors, une cigarette, je m'arrache en deux spies. Il me contrôle plus les ports. Et comme il me contrôle plus les ports, bah, ça ouvre des portes. T'en connais un qui

j'ai fini mon chapal. Tellement c'est gros, je me suis perdu dans le château. Ah. On pèse si tu sais pas, ton mec ici vaut le prix de mon chapeau. J'aime sa poussière, m'excite. J'envoie des billets comme un cisco. J'aime sa poussière, m'excite. J'envoie des billets comme un cisco. Rien que ça tue, ça tue. Et pas que dans mes bibes, me bibes. Mon équipe, c'est comme les piquets. Histoire de jiggy, de jiggy, de jiggy. J'envoie les billets, la silique, silique. Je finis ton boulot et je t'envoie mon. Comme si j'avais 6 vies. Envoie les prods, je fais que les éventrer. Surveille les sorties et surveille les entrées. Ils croient que c'est fini, mais c'était l'entrée. Je suis le seul négro qu'il fallait pas laisser rentrer. Ah. Pétasse. Et je crache des flammes comme Arcanin. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. J'allume des prods jusqu'à avoir tous les camos. Je suis un porte-avions, vous des canaux. Je suis comme Soro, il me faut tous les anneaux. J'ajoute des chiffres sur tous les panneaux. J'arrive au panier, je mets des gélis. Jamais tu me vois sur des vélib. Tout tourne en rond comme des hélices. Fox et négro comme Christophe Allo, j'ai Sénis. J'arrive japonais comme des RAV4. J'ai les techniques des Hamzat et des Shaf4. J'arrive japonais comme des RAV4. Un M, 2 M, 3 M, 4 M. Faut les MG, les RS et les PAC M. 5 M, 6 M, 7 M, 8 M. J'encaisse du week-end au week-end. La seule chose qui m'importe, qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les poches. Contre la température comme dans les foires. Pris pour qu'il y ait pas trop de traits dans mes proches. Un M, 2 M, 3 M, 4 M. Faut les MG, les RS et les PAC M. 5 M, 6 M, 7 M, 8 M. J'encaisse du week-end au week-end. La seule chose qui m'importe, qu'il y a dans mes poches. Tu sais comme qui on arrive dans les poches. Contre la température comme dans les foires. Pris pour qu'il y ait pas trop de traits dans mes proches. Faut plus de bruit que chez les Golang. Faut que la France est pédolang. Je fais pas de rage ni de Jersey. Je suis dans le complot comme sur l'île de Jersey. Dans le sang des 4 drogues. Faut le CA de BlackRock. Surveille le ciel pour chaque drop. En mode motivation comme Cheesy. J'arrive fonce des all-in comme Peasy. Bombarde sur la gauche, bombarde sur la droite. Faut que c'est négro comme l'ultra-droite. Je fais des retraits, je fais des dépôts. Je sais très bien que j'ai les épaules. Trouve-moi dans la défense centrale. Plus de fumée que 4 grandes centrales. On est là uniquement pour les sous. Donc négro, faut plus de fond que la banque centrale. Et je vois chaque fois se cacher. Je laisse du rap français comme si j'habite sur la face cachée. J'ai fumé Vlad, sachet négro. Et je prends leur avance à chaque cachet. Pour les pédos, la mort paranoïade. Ça se voit que c'est un fait qu'il est pas loyal. Quand je suis fond, j'ai fumé 4 royales. Demain n'est pas pas qu'il meurt, je donne le sourire au banquier. S'il aurait pas eu la zip, mais m'aurait vite déboulé masqué. J'ai vu son boy, j'ai flashé mes comportements. Ouais, encore une fois, je suis dedans. Je suis dans son cœur, je l'ai hacké. Me demande pas pourquoi, en dessous la jaquette, j'ai mon Wesson. Une nouvelle journée, un nouveau dossier, et puis on ex. Demande à Landy, à bord du vaisseau, que des vrais hommes. On respecte tout le monde, on allume tout le monde, peur de personne. On rêvait changer nos lives, transac après transac. Comme toi, je voulais fly. La cabesse en pagaille, je regarde tous les flashs. En popstar, je suis sur la scène, c'est cardio. Je suis jamais où je me sens pas chez moi. Beaucoup de voudraient ma life, or que j'ai moi. Pas que j'ai ce truc sur moi. J'te perforce, j'te perforce, j'me parle. 10 millions de surveys, qu'elle croit que c'est ma gueule. Auparavant, encore une qui dira que j'suis un salaud. Encore elle, il est heureux sur le smalto. 17 ans, j'entendais le magot. J'reviens de loin, mes refonds sont témoins. Pour le position, c'est ma l'unisson. Dernière ligne droite. Yeah, yeah, yeah, yeah. Le futur faut y croire. Lias de beat, hein, coincé dans le creux de sa fouf. Dans le club tout en Gucci comme dans Pétine Foot. Y'a des portes qui s'ouvrent, y'a des bouches qui se ferment. Le temps passe plus vite que nous dans Foreign. Faut faire monnaie de speed comme les mecs de Wall Street. Trop tu connais, tu vois nous qui se promet devant la zombie. Je me suis trompé de faire. Fermez la lettre. Le futur faut y croire. C'est pas vrai, je le fais juste pour toi. Mon ressenti ne change pas, ça m'inquiète. J'ai de l'amour mais y'a la haine qui empiète. Oh Seigneur, où on va? Ton oeillette. Souvenirs dans la fumée, les remords aux oubliettes. Je sais pas trop ce que j'ai, j'suis pas dans mon assiette. J'suis pas d'humeur, j'suis pas d'humeur à la fête. Non, j'sais pas trop ce que j'ai un peu mal à la tête. J'suis pas d'humeur à la fête. Car trop peu me comprennent, maman. Trop de peine, maman. Mon cœur saigne, maman. Je sais que je peux pas fuir maintenant. Dans les pires moments, j'prie le firmament. Et je me sens seul au cœur du peloton. La pression a haussé le ton. J'peux pas, j'ai déjà touché le fond. J'paye les frais de ma dévotion. Du mal à dire je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Moi j'ai pas toutes les notions, j'ai pas toutes les solutions. La vie enseigne, la mort corrige, chaque jour j'apprends, je retiens les leçons. Comme quand j'étais au fond de la classe, quand je voulais faire le tour de la classe, je pars à la chasse pour ma place. Je me déplace, tout s'efface comme les traces, mais toutes mes valeurs sont tenaces. Je vois la même face dans la glace, le même corps froid comme la glace, comme celles qui fondent dans les océans. L'impression que ma vie n'est qu'un bord d'océan. Tous mes sentiments sont réduits à néant. Tout est cher, bien être et bonheur sont béants. On vit dans un système assez malveillant. Je crois que le paradis n'est plus attrayant. J'ai pas dans tout le futur. Je suis plus là, à la vue. 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sorti 3, je suis dans le bolide allemand. Je cherchais ma baby en gros bolide allemand. Eh, eh, maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Eh, le peur avant, c'est fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Eh, maintenant ça va, faut pas vite avant. Eh, j't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves, on s'en prend avec les yeux. Embrouille, on y va, c'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba, elle a mon sperme dans le gosier. Ramène-moi ton boss, c'est pas avec toi que je vais causer. STM en top tendance, je suis dans le verre avec Eza. Avec Eza, bolide allemand, je suis cosy. Baron sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. Ah, j'accélère salement. Je suis dans mon lit d'allemand. Je suis payé de gros. Ginos, on part sur quel thème? Même avec d'argent, c'est pas sur quel thème. On peut parler des petites latesses, de bif à se faire, ou de 6-3-S. Ou alors des marques et des putes qu'on baisse, du doute, de la haine, des petits complexes. Non, pas de couplets sombres, ma daronne écoute mes sons, elle met que des coups de pression. Même la mienne, elle entend mes paroles à choc quand je parle de shit et de chat. Shit et de chat. Ouais, pas du chic et des champs. Je repars, check et des checks. En bas ça vend de l'héros, mais les potas sur Sandero. L'OPJ ressemble à Jean Reno, j'espère qu'il finira encore. Faire des années en moins de 10 minutes, évoluer et croire que tu diminues. Dommage qu'on puisse pas acheter le temps, j'aurais sûrement refait au moins 10 000 trucs. Je me suis perdu dans mes pensées, je pars en lambeau comme la veuve. Pour faire l'argent je peux être seul, tout, pour faire la guerre faut être deux. Tu peux perdre des années en moins de 10 minutes, évoluer et croire que tu diminues. Dommage qu'on puisse pas acheter le temps, j'aurais sûrement refait au moins 10 000 trucs. Je me suis perdu dans mes pensées, je pars en lambeau comme la veuve. L'argent, je peux être seul, tout. Faut faire la guerre, faut être deux. J'ai la main droite sur le klaxon. J'ai les yeppies dans le paxon. Payer moins de taxes en spaxon. Circonflexe, comme accent circonflexe. Sans sur contexte, des petites découpes. Tout après, une petite écoute. Que c'est nul, même si c'est cool. Que c'est vite, même si c'est full. Que c'est simple, même si c'est fou. Et puis c'est tout. Un petit œuf doux dans la poche du petit, c'est tout. C'est plus grave qu'un pointeur en France. Justice sous psychotique. Mieux vaut un hop, c'est qu'un hypocrite. Bah ouais, mon gros, je suis cardin. J'ai la haine, sa mère, ça sort pas. Il rêve, nous on réalise. Il n'y a que la vie qui me canalise. Tu tires dessus, ça paralyse. Si je rentre sur terrain, j'égalise. Ok, c'est dans le fa qu'on me localise. Il n'y a qu'avec moi-même que je rivalise. Je peux pas écouter ce qu'ils disent. On part dans la ville. Maintenant je suis quelqu'un, tu m'étonnes, ça m'invite. Air Force One sur ta page, j'ai la vie qui tombe pile. On part chez nous, ça dort. Ah, tu m'étonnes, ça va vite. Moi j'ai qu'il faut, bitch. Tu sais que l'argent m'abuse, me repose sur la belle. Moi j'ai qu'il faut, bitch. J'suis dans celle qui te plaise, dans ton mère complète. En deux points de mesure, donnant le micro à sueur, la brûlure passe par au fond de mes deux yeux. C'est cool, c'est sûr, façon c'est facile dans ce milieu. Je me tourne carré, tu peux pas faire pareil que des bons quand t'arrêtes dans tous les lieux. C'est des bons, c'est des comme pépé gros de départ. C'est Grinard blanc de blanc à faire gloire. C'est jubilé, bois et les pleux bras. J'ai mis le bois d'argent, elle a sorti l'argent. Elle a conduit la loque, elle a rayé la jante. Arme de l'Est, c'est la serpille. Qu'est-ce que moi je roule un petit. Et même s'il y a de la cible, pour dire rien, c'est la zermie. Aéroport, elle a vu les sous, vu les scores. Coupé, cabriolet, sport. Ta face, c'est des je m'en fous comme un bois d'art, puni comme un bois d'art. Je descends sur l'échange, plus l'oseille, j'ai mis le bois d'art. On peut tout acheter sauf la vie des couilles, elle a pas chance. Un pare-balles, c'est deux plaques, un gilet. Pour finir au jetard avec deux plaques, un gilet. Discrète, un coffret, touché, Ginette. Une seule bastos pour faire cavaler Jimmy. Au parc, je vois du champ invité par Nasser. Comme s'il y avait mon fils qui jouait numéro 10. j'étais à fond avec elle, un coup. Mais pour elle, t'es qu'un numéro B. Ça t'appelle pas pour payer ses études, c'est pas la Californie. C'est le 9 de celle de 3, c'est pas d'arrivée en Orléans. Tout le monde dit qui a crevé. Le conducteur a l'air de s'être sommé. La porte du passager, le coffre reste ouvert. Tu t'imagines bien que l'histoire est mauvaise. Très mauvaise. Que l'amour aille se faire balader, ça y est. J'ai trop donné, mais on m'a beaucoup trop trahi. C'est fini, mon cœur infini en paille. Je me sens seul devant la série en paille. J'écrivais dans le bank, jamais je me disais. J'allais sortir un projet solo sur 10 heures. Je faisais partie de ceux qui ouvraient à 10 heures. Je faisais partie de ceux qui ouvraient à 10 heures. Et maintenant, quand je crie balèze, tout le monde reconnaît le couplet de j'en ai. Tout défoncé au-dessus de cette falaise. J'admire le paysage, beau, c'est joli. C'est joli. J'ai beaucoup entendu parler de toi, parler de moi. Tu parlais de moi en plus en mal. Pourtant je t'épargne, pas me parler, pas me parler. Passe pas, peace and love. On n'est pas fan de toi, non, même pas. C'est pas ce que tu crois. On n'est pas fan de toi, non, même pas. Sur ta tête, j'ai mis une croix. J'suis toujours gang shit. La sacoche est toujours plein de shit. Sur les comptes, y'a toujours plein de shit. J'suis pas un plein de shit. J'ai galéré, demande à Benji. Capuché, c'était pas du Fendi. Caboulé, il fallait. Si c'est pour ta destruction, je vais le faire avec soin. Tu sens que ça s'accentue. Moi dans ma tête on est 16. Je sens la peur dans tes yeux, comme les Saxons face aux Vikings. Je suis le sniper qui est postiché sur le toit. J'étais dans le viseur, t'es la victime. Comme ça saison 3, la douleur qui s'accroît. Tu le vois dans mes rétines. J'ai pas d'ADN dans le tum-tum. La Barry White vient des tom-tom. Ici ça rappe comme à Compton. Les ennemis je les bois comme du champagne. La Zaza qui nous rend zinzin. Ça fait zizi. Quand un débrouillard sans or. Dieu est avec nous. H24-2-1, c'est nous on tient les murs du bloc-bloc. On fume la Zaza, qui nous rend zinzin. Ça fait zizi, j'entends des brouillards sans or. Dieu est avec nous, fait les hops-hops. H24-2-1, c'est nous on tient les murs du bloc-bloc. C'est nous on tient les murs du bloc-bloc. C'est nous les vrais, c'est des flocons. Je voulais tes coquins sans une claque, on est cliqué mes claques et me barrer au bled. H4-4, c'est tout le tic-tac. Au cas où si quand je dors, ça débarque. Tic-tac, tic-tac, je sais, j'ai la bonne tactique. Je sais, beaucoup de zéro sur chèque, je sais. Ou tu chèques, ou tu chèques. On a prouvé, on a tout fait, allez, ciao. Sont sur le carreau, ils ont causé des jaws. Je veux du platine, je veux du diamant dans ton amant. J'en ai 4 sur mon auto, elle veut la Noël et au courant de la paye. Quand au ring, elle fait la belle. Je vais plus à l'hôtel, j'ai plus le temps de t'avoir hôtel. Tu sais que t'es tout seul quand c'est le chaos. Quand c'est le chaos. On a prouvé, on a tout fait, allez ciao. Beaucoup de ciao, faut que je qu'il rapidement. Rapidement, je vais construire une maison 2 étages sur un plan. Sur un plan, drone dans un quartier posé sur un banc. Sur un banc, en noir sur un piano entre deux plans. Je les décrédibilise rapidement. Je te laisse sur les dents. Je casse le nom, je le mets pas, mais je suis dans les temps. On parle pas au compte et on parle en prix. J'te parle pas, pas de galanterie. 2-3 euros bien avant l'album. Elle est métisse, elle va des dom-tom. On connaît les fesses et la tactique. Toujours les chaînes, pas de zigzag. Le carré classé comme Antarctique. Comme Ralif le Big-Zang. On n'a pas pété sur un TikTok. Tu connais la fuite, tu connais la suite. Je la baiserai pas, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Mais super con. Tour de liquide comme dans les temps. J'fais les billets, le billet dans. Très charismatique et très élégant. J'me laisse lever à 3-4 bonnes. Elle croit que j'suis américain. J'me sens près du soleil. The way that I move, they think I'm the president. Yeah, my bitch is the baddest. I think that she heaven sent. Yeah, updated my status. My Margiela Letterman. Yeah, I ran up the millions. It made me a better man. I'm fucking your bitch while you dating that. I went on a mission and made it back. I got them hoes of Thundercat. Get on the jet, count 100 racks. Ain't selling my soul, ain't none of that. Ricky, you know I dripping that. I cannot troll the internet. I make a move, it's cinematic. Hey, to my little friend, Poucav. Le bail est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une tempe. J'suis gang affilié. Comme j'ai mon beretta, je marcherai jamais seul, mec. J'fais ça comme ça, Dio. En 10 minutes, j'ai déjà fini la hot tech. J'ai fumé mon cardio. Demande à Rapisat si c'est minimum 13. C'est que la ligue, hein. Elle avait mon ice. Elle m'a dit, how you doing, babe? Elle a cru que j'étais un requin. T'as mis des easy, tu t'es pris pour Kanye West. Descends un petit peu. Putain, j'ai trouvé un foyer entre ces grosses fesses. J'ai craché mes petits peu.